serveur se peigne en vous poil de crâne. Je nage où c'est que vous caressez mon corps. Cheveux coupés si beaux, le gel gras relipidifiant qui structure vos tourbillons jusqu'au bout des crêtes. Pour vous, je pleure mon sang. Coupe, belle coupe travaillée, étudiée, faussement négligée. Revenez-nous, la patrie a besoin d'hommes comme vous. Le passé est mort, les cheveux sales, puants des 68. Le mal, tuez-le! Ce relativisme qui nous fait de pas vivre gagnant-gagnant, non alors! Venez mes belles coiffes, renaissez-nous, et ces lunettes, mon Dieu, ces lunettes sont belles!